Nous sommes encore des milliers qui demeurent captifs des groupes armés. Comme les autres enfants de notre âge, nous aspirons à un environnement sain et sécurisé. Nous voulons aller à l'école et contribuer au développement de notre pays. Dans notre intérêt supérieur, libérez-nous, libérez-nous. Pourquoi taire mes sentiments? Pourquoi taire mes souffrances? Mes rêves d'enfant qui s'obscurcissent quand je suis contré aux actes atroces. Dans un corps condamné à déchets, je vois mon cœur rempli de paix. Le souvenir effroyant, la beauté. Je ne peux jouir de mes doigts et d'une vue semblable à celle de chez moi. Où les enfants vont tous à l'école, se réjouissant tous ensemble. Mon bonheur semble utopique, mon espoir s'efface jour après jour. Dans un camp condamné à deux chaînes, je vois mon cœur rempli de peine. Des souvenirs effroyables, lamentables. Choka. Ubakaji na choka. Kwa nini kunitesa? Kwa nini kuniumiza? Nataka rudi nyumbani. Je fais l'objet d'atignan, de manipulation et de viol. Suis une enfant mère et ces gens m'ont rendu misérable. Je vois mon être menacé, toutes mes forces m'abandonner. Mon cœur ne peut plus supporter, j'en ai assez.